chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi de gloire. Sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le. Alléluia. Alléluia. Merci de nous ouvrir tes portes et de nous faire accéder au couloir de la gloire. Merci Seigneur de recevoir notre culte d'adoration. Toi qui agis au-delà du commun, toi qui te sers des données éternelles pour nous introduire dans tes perfections. Oh oui, tu es venu mettre ensemble l'humain et le divin en instituant une alliance éternelle dans laquelle ta grâce prend en charge nos insuffisances et nous laisse savourer les délices de ta magnificence. Alléluia. Merci de nous accueillir dans tes parvis, Seigneur. Alléluia.